vous êtes bien à l'écoute de Campus 106,6. À l'époque, on disait la radio libre de la métropole lilloise, il y en a d'autres. Mais bon, bref, en tout cas, c'est Pyongyang City Rockers numéro 418 qui commence avec, comme grand de l'Idriss Header ce soir, mais il n'y a que deux grands leaders, c'est Henri. Salut. Tu es là ? Ouais, ça va, attends, vas-y. Tu m'entends ? Ah, parfait, ça va bien. Ouais. Magnifique. Et Mézig, Stéphane. Et puis, ce soir, on a une équipe, elles sont venues en nombre, c'est l'équipe de GZL Vénère. Ouais. Vous êtes là. On est là. Attends, parce que là, il faut que je repère les bons micros. C'est bon, ouais. Micro, il marche ? Si, je crois. A priori, ouais, maintenant il fonctionne. Ok, là, oui. Ah oui. Ouais, ah. Bon, vous allez vous présenter tout de suite, et puis après ça, nous on va passer de la musique pendant, je dirais, un petit 10 minutes, et ensuite on embrayera sur interview, présentation de vos activités actuelles. Voilà quoi. Donc allez-y, première, je sais pas, qui se lance ? Bah bonjour, on est GZL Vénère. Yeah. Et donc moi, c'est Elia, et je suis musicienne et je. Je suis partie de GZL Vénère, des co-créatrices avec Faustine. Eh oui, donc moi c'est Faustine, je suis co-créatrice de GZL Vénère avec Elia aussi, et toujours dans GZL Vénère. Voilà, bonjour. Et vous deux, on vous a déjà eu dans le studio, pas celui-ci. Et pas il y a un an et demi, t'avais dit ça, mais. C'était il y a un peu moins d'un an, parce que c'était avant la première soirée de GZL Vénère, et la première soirée de GZL Vénère c'était en mai. On est encore naissante. Oui. Oui, j'ai vu 2025 et je me suis dit c'était déjà il y a un an, donc j'ai rajouté le. Ouais. Bon, tu as vieilli, GZL. C'est pas grave. C'est parce que vous faites plein de trucs, donc voilà, on voit pas le temps passer avec vous. Ça va vite. Et alors, il y en a deux autres qui Salut. Vous manquent. Salut. Moi, c'est Nada. Du coup, je fais de la musique aussi et j'aide GZL depuis le début. Voilà. Et oui. Et tu fais partie de l'association. De GZL, oui. Exact. Ah, voilà. Bon. Voilà. On n'a même pas dit ce que fait GZL, alors, pour les gens qui auraient manqué le début ou alors qui n'auraient pas entendu l'émission où vous êtes venu il y a deux ans et demi. Et alors, c'est la quatrième qui va avoir l'honneur de dire ce que fait GZL Vénère. Ah, mais du coup, GZL organise. Par contre, parle dans ton micro, sinon ça va pas marcher. Excusez-moi. Et du coup, GZL, c'est l'organisation de soirées musicales avec une organisation 100% féminine et de la programmation en majorité féminine. Voilà. C'est ça. Et qui parlait à l'instant ? Et c'est Aïcha. Et je suis nouvelle membre de GZL depuis peu. Je fais pas de musique, je sélectionne des sons, surtout. D'accord, ah ouais. Donc c'est à toi qu'il faut s'adresser pour avoir le... Comment, pour la sélecta. Si le coup près va tomber ou pas, c'est ça. Peut-être, ouais. Surtout sur du dub, pour l'instant. Bah voilà, on va... Ouais. Teaser. Tout à l'heure, tu vas pas mal parler, je pense, par rapport à un concert qui va avoir lieu début février. C'est ça. 6 février, c'est... Pour l'instant, donc, on se retrouve d'ici un petit 10 minutes. Pour l'instant, on va se lancer dans un truc qui passe ce soir et ils vont passer dans pas longtemps au Black Lab. Et comme d'habitude, je commence par un truc de vieux. C'est un truc de vieux, mais c'est un groupe qui existe encore, The X. Ils ont même jamais arrêté depuis 79, je crois. Ils sont au Black Lab avec en première partie, je pense que c'est déjà commencé la première partie, Kitchen Tool 7 que j'ai passé la semaine dernière. Hein, t'as vu ? Ça, je l'ai passé la semaine dernière. Et ce coup-ci, c'est The X qui vont faire Great. Great ones, C'est planté en fait, hein. On sait pas. Bon. Écoute, moi je vais parler de Dust Collector aujourd'hui, en partie. Un projet de noise punk américain qui existe. C'est vrai qu'on a, on a un écho. Ouais, il y a un petit écho. Il y a des gens d'ailleurs, ils peuvent nous téléphoner ou c'est quoi le numéro tu vois toi 03 62 26 89 14. 03 62 26 89 14. Ah non, c'est pas gros. Téléphone studio 03 62 26 89 18. Ouais, voilà. Pendant les plages musicales, pour dire comment vous recevez Campus, s'il y a des gens qui nous écoutent, que ce soit en Herdien, donc avec une radio à FM à l'ancienne, ou alors. Putain, mais c'est vrai, il y a un putain d'écho. Ouais, quand même, c'est assez fou. Et beaucoup plus que la semaine dernière. Ou alors si vous écoutez sur internet ou je sais pas quoi, enfin bref, avec ce que vous voulez, vous nous téléphonez pour dire si ça marche ou si ça marche pas. Et si c'est audible. Voilà. En attendant, pour passer quelque chose de peut-être pas si audible que ça. Donc Death Collector, un projet de noise punk américain. Je disais qu'il existe depuis 2022. Ah là, ça va mieux. Qui existe depuis 2022 environ. Alors c'est leur premier LP, on va dire, donc premier. Qu'est-ce que ça veut dire LP d'ailleurs ? C'est un long album ? Long playing. Ouais, je suppose. Ouais, avant ça, on a eu le droit à deux démos qui tuent. D'ailleurs, vous pouvez retrouver certains des morceaux des démos sur le LP qui est sorti chez General Speech. Les tubes Scalpel Life, Midori ou Old God, bref. C'est pas très compliqué à définir. Un son de basse à la Guy, un son de gratte à la Dust Noise, le tout avec l'énergie du punk hardcore américain. C'est que des tubes cet album, je vous assure, qui vous feront dire « I wanna listen to rock and roll and drink my life away ». C'est les paroles. We'll be right back. ça rigole dans le studio. Oui, non, mais c'est pas encore à vous là. Je passe un truc de la semaine dernière que j'ai pas réussi à passer. Donc je le mets maintenant, même si le concert que je voulais présenter est passé lui aussi. Snake Eater, c'est un groupe néerlandais avec deux de ses membres qui sont d'origine pakistanaise. Et donc ça chante en ourdou. Ouais, voilà. Et le titre là, c'est. Attends, c'est quoi ? Sam Kuch Katam O Jatahai. Je l'ai. Ouais. Enfin, j'ai pas l'accent. Hein. C'est pas, arrêtez de rire. J'espère que c'est bon. C'est vos rires et vos sarcasmes. Ça veut dire tout a une fin. Et de quoi parle-t-il ? Piégé dans cette danse macabre. Démons mus par leurs seuls intérêts. Enverrons-nous la fin ou mourrons-nous pendant que le cycle continuera ? Désir brûlant, tout expire, même ce dernier souffre. Souffle arrivera à sa fin. Ça, c'est pour Snake Eater. Normalement, je devrais vous passer le titre là, donc je vais pas vous répéter le titre parce que là, je veux pas qu'on se moque de moi. Et puis, les voici donc maintenant. Ça ne va pas du tout. Vous êtes bien à l'écoute de Pyongyang City Rockers numéro 418 sur Campus 106.6, tout le bordel quoi. Il est 8h15, 8h18 même. Il est plus que temps d'attaquer cette interview de GZL Vénère. Vous êtes venu avec des munitions. Oui, oui. Nous aussi. Ouais. Et puis aussi pour me présenter vos activités. Alors on s'était quitté, donc ce n'était pas il y a un an et demi, mais il y a un peu plus de 6 mois. Il y a presque un an. Plus ou moins, ouais. Il y a 10 mois. 10 mois, ah ouais. C'était pas au mois de mai. C'était en mai ou avril, mais c'est voilà, ça, mais. T'as vu. Ouais. Là, vous étiez en attente de réaliser votre premier orga. Depuis, vous avez fait plein de choses. Mm-hmm. Faut dire lesquelles. Ouais, alors. Il faut dire tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, attends, donc, il y a la première soirée au CCL, là où il y a. C'était la première soirée. Ouais. Ensuite. Ensuite, on a fait à la Malterie, notre premier concert à la Malterie, Nadja. Ah, avec Bankmina et Sunwell qui est ici présente. On a refait un concert à la Malterie, du coup après c'était Ovo, Crop Top Corn, voilà, pardon, voilà. Je parlais au-dessus de toi. Non, t'inquiète. Mais c'est qu'on avait raison toutes les deux. Et encore, et après, on avait participé aux 30 ans de la Malterie. Du coup, on avait programmé Disquiet Army et Otayani qui étaient en duo. C'était en décembre. En décembre. Voilà. Et depuis, on n'a rien fait, mais on a plein de choses qui arrivent, du coup. Mm-hmm. Et aussi, d'ailleurs, depuis l'année dernière, on avait quand même fait un atelier musique au CCL. J'avais rappelé ça, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a eu qu'un. Et oui, en fait... Il n'y en a eu qu'un, vraiment. Ouais, c'est ça, ouais. Mais alors, il était cool, hein. Oui. Il était... comment on appelle ça ? Je sais pas, c'était... C'était chaotique. C'était vraiment chaotique. Ouais. C'était cool. Parce qu'on était 20, ouais. Je crois, dans un petit CCL. Et chaque instrument partout du coup, parce que chaque instrument dans sa pièce, quoi. Tu vois, on a essayé d'isoler, genre on a mis les basses dans la cuisine, non, les basses dans la bibliothèque, les guitares dans la cuisine, les batteries en bac, les synthés, c'était pas un bon choix. Les batteries et les synthés en même temps. Donc c'était vraiment, il y avait pas les saxophones, les sax, et on savait pas où les mettre. Ils sont arrivés, on s'attendait pas, dans l'entrée avec les gens qui chantaient, dans l'entrée, voilà, avec les tous les instruments en même temps, pardon, voilà. Émerdez-vous. Voilà, c'était cool. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ouais, en fait, on réfléchit une formule bien. C'est bientôt là. C'est bien. On va bientôt faire une annonce, quoi. C'est ça. Et donc là, il y a deux annonces qui sont annoncées. Il y a deux annonces annoncées. Pour l'instant. Pour l'instant. Non, mais on en a d'autres là sous le coude. Ouais. Alors, la première, c'est vendredi. Exact. Vendredi au CCL, donc dans deux jours. Donc, on a quatre groupes. Chantidas, donc c'est le guitariste d'Alucto Dolo, mais c'est son projet solo de Noise. Ensuite, et d'ailleurs, il va être en duo, pardon, avec Electrinum Synthesis. C'est pas sur l'affiche. On a Mejnoun de Paris Rennes. Voilà. Ouais. Ils écrivent Strange. Sur Bandcamp, Trash Sledge, quoi. Doom. Un mélange de genre. Plus, j'ai rien compris. Strange. Ils ont écrit ça. Ça veut dire Trash, Sledge. Trash et Grunge, un truc comme ça. Sludge. Ouais. C'est genre, Trash et Sludge, c'est ça qu'ils veulent dire, je crois. Je pense que Trash et Sludge. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu peux dire la Sludge. Et du coup, Daïn de Bruxelles, qui font du Doom rituel. Trop cool. Elles ont trop la classe, quoi. Et dedans, il y a Reshma, la bassiste de Neptunian Maximalisme. Voilà. Et il y a Rateim aussi. Et il y a Rateim, qui est un duo franco-syrien et de Bruxelles et Lille. Black Metal au Bouzouki, c'est trop cool. Qui ont déjà joué aussi décembre avec GZL. Mais oui, parce qu'on n'a pas tout dit les concerts d'avant. On n'a pas parlé de la bulle, on n'a pas parlé... On n'a pas fait jouer à Rateim, nous. On n'a pas fait Rateim. Bon. Non. Je suis sûre que non. Ok, voilà. Je sais que c'est un groupe qui a déjà été annoncé dans plusieurs... Ouais, on est très en lien, quoi. Là, il y a tout un petit groupe qui se forme, quoi, de gens, enfin, de liens entre les gens, quoi. Voilà. Voilà. Ça veut dire quoi, rituel ? Ça veut dire quoi, rituel ? Ouais. Quand on présente un nom de style musical. C'est ça, avec une composante de trance, je dirais, tu vois, genre un truc de trance, vraiment. Ok. Voilà. D'accord. Rituel. C'est comme ça que je l'interprète à chaque fois. Donc ces quatre-là, on a dit quatre. Ouais. Mmh. Ces quatre-là, c'est vendredi. Ça, c'est vendredi, mais on a parlé que de vendredi. Au CCL. On va s'arrêter là, puis peut-être on va pouvoir les passer maintenant. Ouais. Allez, d'accord. C'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Allons-y. Donc, par contre, faut me dire lesquels. Ah oui, d'accord. Le son. On a mis Mejdoun et Daïn. Du coup, vas-y, mets Daïn. Je le trouve pas. Daïn, c'est le rituel, Daïn. Le morceau. Allez, ritualisons avec Daïn, et puis ensuite il y aura Mejnoun, voilà, que je retrouve ici, qui part maintenant pour l'instant. Daïn avec Esprit. Oui, c'est ça, c'est Esprit. Ouais. Ouais. Et ensuite Mejnoun, Blood and Dread. C'est ça. C'est du reggae. Daïn pour l'instant. Dread, c'est la peur en anglais. Alors, ça démarre. Eh ben ça marche pas. Ah si. Thank you. Comme ça. Et ouais, c'est fini comme ça. Il reste 3 secondes. Ouais. Bon, voilà. C'est bon, hein. En plus, au début, il y a aussi un blanc. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise donc, ce que vous venez d'entendre juste avant, c'était Mejnoun avec Blood and Dread et juste avant, c'était Dane avec Esprit. Yeah. Donc, ça en concert ce vendredi. Ce vendredi. Vendredi, oui, 23, vendredi janvier. 23 janvier. Au Centre voilà. Culturel Liberté. Et le prochain concert, du coup, c'est. Organisé par Gisèle Vénère. Organisé par Gisèle Vénère, par nous. Ce sera la soirée dub, c'est ça, en février. Le 6 février. Le 6 février. Le 6 février, ouais. C'est elle. Trop bien. 20h30. Yes. Alors, on avec ramène en plus, on dit... un sound system au CCL. Voilà, voilà. Il y aura voilà. Un sound system. C'est pas la sono du CCL. Vas-y. Une prog 100% féminine. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est juste qu'on veut plus de basses. Il y aura des bonnes basses. Vraiment. Les voisins vont être ravis. Non, non mais on fera attention. Alors. C'est qui le sound system? Eh ben, c'est FTT Sound System. C'est un copain qui sort son sound system du garage. Et voilà. C'est pour réhabituer les Lillois à l'objet du sound system en ville déjà. Donc pas obligé de ressortir les Wiscoop, mais au moins essayer de créer de manière régulière du sound system en ville. Voilà. Parce que ça, tu dis réhabituer, ça a existé par le passé à Lille ? Bah oui, je pense qu'avant le Covid, il y avait beaucoup de... Ouais. Enfin, la scène dub était importante sur Lille, après ça s'est mouru. Ouais. Et du coup, là, l'idée, c'est que ouais. Ça revienne, pas nécessaire que ce soit tout propre et énorme, mais du coup, même petit soit-il, le son système peut revenir en ville de manière régulière. Ça peut être cool. Grave. Voilà, c'est ça l'ambition. Ok. Et voilà, le CCL, c'est un bon lieu pour ça. Et le CCL, ouais, ouais. Cool pour ça. Cool. On est bien accueillis. On est super bien accueillis, ouais. Évidemment. Le prix est libre. L'ambiance est bonne. Et ça a protégé, enfin c'est un lieu à protéger. Surtout en ce moment. Oui, oui surtout voilà. En ce moment. Peut-être, je ne sais pas si on fait un rappel dessus ou pas. Mais si on fait un rappel que le CCL s'est fait agresser. Ouais, voilà, jeudi dernier, ouais. Pour les gens qui ne seraient pas au courant, il y en a. Le CCL a été agressé par une huitaine une, de... C'est ça, zouaves, huitaine de... De nazions. De fachos. Ouais, enfin de fachos. Voilà. Dont trois qui s'en sont pris aux gens qui étaient au rez-de-chaussée, qui ont cassé des trucs. Cassé des humains. taper des gens. Et taper des gens, j'en fis un œil sacrément amoché. Ouais, c'est pas cool. Donc, voilà. Bah, voilà, donc du coup, soutien au CCL, quoi. Et c'est maintenant qu'il faut faire des soirées au CCL. Voilà, puis il y a eu une assemblée générale le lendemain, dès le lendemain à midi, quand même, où on était 150. 150, oui. Voilà. Âgés au milieu de la rue. De la rue. Ça, c'était des barrières. Excellent. où il y a plein de bonnes idées confusées. Ouais. Et puis, vous voyez qu'il y a de l'énergie pour soutenir le lieu, et ça, c'est vachement bien, quoi. Et puis, le lendemain, samedi, il y a eu manifestation. On était 300-400 dans les rues, quoi. Les flics étaient un peu chauds, c'est bizarre. Hein. Ouais. Sur la fin, ils ne voulaient pas nous laisser passer. Bon, on a fini par retourner sur la côté de la station OISEM. Bon, bref, il y a un soutien qui se met en place, et donc le CCL est encore parti pour de nombreuses années. Et oui, c'est bon. Carrément. Voilà. J'ai dit. Revenons à notre soirée du, bah, du quoi, coup, le 6 février. 6 février, de... c'est un vendredi. Voilà. Alors, il y aura qui? Alors, il y aura moi-même, Shindub, pour de la sélection, voilà, du Roots et du Skank. Il y aura Léa C, qui est une copine de Roughcast, un collectif lillois, et qui posera aussi du dub, qui s'essaye à cet exercice, et elle a l'air de s'y plaire, donc elle nous rejoint là-dessus. Et ensuite, il y aura Ouria Zion, une nana de Nantes, qui fait ça très bien aussi depuis un petit moment, et Mela Dub de Paris. Voilà, donc programmation full meuf, et ça va être cool, avec un système son, on aura deux scoops. Voilà. C'est pas forcément habituel de voir une programmation avec que des meufs en reggae. Déjà, c'est pas habituel en punk. Ouais, c'est souvent une priorité. Ou en hardcore. Mais alors, en reggae, j'ai l'impression que c'est encore moins fréquent. J'sais c'est pas, ça. J'ai tort, peut-être. Pas. Non, mais c'est vrai. Du coup, c'est cool de. Enfin, il y en a. Il y a un collectif qui s'appelle Sound of Woman. Je sais pas d'où c'est originaire, mais en tout cas, il y a un gros. Comment on appelle ça, il y a énormément de nanas en fait qui se réunissent dans le son système, que ce soit côté technique ou sélection ou alors production, et du coup je pense qu'il y a de quoi faire une grosse série de soirées dub 100% meuf. Donc ce n'est que la première d'une longue série, c'est ça que tu es en train de dire? C'est la première pour GZL, ouais. Il y en aura d'autres. Donc cette soirée aura lieu vendredi 6 février au CCL à partir de 20h30. Pour exactement. Au CCL ou rien. D'ailleurs, t'as ramené du son, hein, si tu veux qu'on mette du son. C'est quoi que t'as mis dessus? La sélection, elle est pas folle. C'est vraiment le dernier. C'est pas sympa pour l'artiste que t'as mis. Non, c'est fou. Non, c'est super. Venez écouter la sélection de merde. En vrai, c'est cool. C'est juste le dernier son que j'ai digué sur Bandcamp. Et du coup, c'est Holy Mount Zion, ou alors Beloulé Studio Holy Dub pour la version, parce qu'il y a toujours une version au minimum dans le dub. Je prends la version 1 ou la version 2, c'est ça? Comme tu veux. Natural Hi-Fi. C'est ça. Ouais. Et ça, c'est des mecs, par contre, mais de France. Voilà. Ah bah, quand même. Ah, s'ils sont de France, voilà. La parité. Vous en faites ce que vous voulez. Mais bon, ça m'a emporté un peu. Pour annoncer ce concert du vendredi 6 février. Comment s'appelle Holy Mount Zion? Non, ça c'est le titre. Holy Mount Zion, c'est le titre, et c'est Beloulé Studio. Ouais. D'accord. Exactement. On en voit. transition, bonjour. Hein. Vous êtes donc, vous écoutez Pyong Gangster Rockers numéro 418. On avait interviewé GZL Vénère. Et puis là, on intercale un petit titre, Henri. C'était quoi? C'était Lebenden Toten avec le morceau Dead Noise. Voilà, bon, c'est un petit lien avec Dust Collector, parce que l'alias du mec de Dust Collector, John Dead Noise, c'est évidemment une référence à la sortie de Lebenden Toten. Oh, voilà. Tu vas chercher loin, disons. Bah, c'est le nom de son projet Noise Punk aussi, mais on en reparlera. T'avais un baratin plus consistant, là? Bon, on a le temps. Tu veux pas le dire? Il est 8h, il est 20h45 minutes. Ouais. À l'antenne de Campus GZL Vénère, vous nous avez ramené encore de la musique, mais là qui n'est pas encore programmée dans vos programmations. Vous avez prévu des trucs après mois de février. Ah bah février, ouais, on a deux autres dates qui arrivent très vite après le 6. C'est ça. On a le 15, qui est un dimanche soir, il me semble, avec du coup deux groupes d'Athènes de trash punk et de 10 beats. C'est quoi les noms, Faustine? C'est Youth Crusher, vas-y. Mais du coup, il y a Youth Crusher qui est du 10 bits et il y a Terror Detonator. J'espère que j'échange pas les deux, mais du coup, qui est en trash punk. Terror Detonator, je crois qu'on l'a déjà passé ici. Il me semble. Enfin, ici, là-bas. Enfin, bon. Bref. Du coup, super. Et on a du coup aussi Chien Flitch qui nous viennent de entre Finistère et Touraine, du coup. Surprise. Et du coup, nos chiens galeux de Teigne de Lille. Et ça sera quand ça? Ça, du coup, c'est le 15 février au CCL toujours. Encore le CCL? Encore le CCL. Il faut le CCL. Bah, ouais. Vous voulez pas organiser ailleurs qu'au CCL? Bah si, c'est que souvent, c'est que c'est ça. Ça arrive bientôt en plus, je pense. Ouais. On a déjà fait trois dates à la Malterie. Effectivement, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais une date à la Bulle Café. Et là, en avril, on a une date à la Malterie aussi. Camille Huot, c'est du synth punk de Rotterdam. C'est trop cool, ça. On l'a mis dans la sélecta. Ah ouais, d'accord, je le vois, Camille Huot. Camille Huot. Camille Huot Bataillon, bah, passé. Mais... Bah ouais. Et ouais. Mais avant ça, il y a au CCL, après, deux jours après Chien Flic, le 15. Le mardi soir. Voilà, le mardi 17, il y a Lidl, Malva et Muddle. Et du coup. Muddle. Ah, oui. Et oui, alors c'est ça, il y a des trucs à présenter là. Oui, Muddle, bonjour, c'est le nouveau Muddle. Groupe de Nada. Voilà. Mais du coup, Muddle, ce sera notre quatrième date. Parce que tu joues dans Muddle. Je joue dans Muddle. Bonjour. Et oui, voilà, 1/4 de Muddle ce soir, quelle chance. Mais du coup, on est trop contents de partager la date avec Lydie et Malva, qui sont deux groupes de Screamo. Et du coup, Lydie de Rouen et Malva de Poitiers. Ouais. Il me semble. C'est ça. Ouais. Voilà, Malva, c'est un groupe 100% femme. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et Lidl, on a mis un morceau aussi dans la sélecta. Et Muddle aussi, on a mis votre morceau. Bon, je commence par quoi? Et bah, mais on met Teigne d'abord, peut-être. Teigne. Et puis après, j'ai Lidl et ouais, bon. Ce qu'on a dit juste avant, là, je l'ai oublié. On a dit Camille Huot avant aussi. Il y a trop de choses. Déjà, je pense avec ces trois-là, on va déjà bien arriver à la fin. Camille Huot, ouais. Donc on envoie Teigne avec Choices Voices. Et puis après, les autres, on les annoncera. Vous écoutez Pyong Gangster Rockers 418, c'est GZL Vénère qui fait la programmation ce soir. Conditioned to slave. Grow old to life. Alors je suis venu vous prévenir. À partir de maintenant, personne ne m'empêchera d'être heureux. C'est compris ? À l'instant, c'était Lydil avec Squam. Merde, j'aurais dû vous laisser le désannoncer. Ah bah voilà, bah, c'était Lydil avec Squam. Merci. Qui joue voilà. Le 17 février au CCL. Avec Model. Avec Model et Malva. Et GZ Delvener. Pardon. Il nous a dit de parler dans la micro, au pire. Bon, ça va, on va récupérer ça au montage. Alors, Madame Model, puisqu'elle est là, elle nous a rapporté quelque chose, elle est sympathique. Bah ouais, du coup, notre dernier live à la griffe du... Non, il y a deux semaines. Bah justement, le 15. Vendredi dernier là. Mais attends, mais. Ouais. 15. Ouais, je te jure. On a joué le 15 janvier à la griffe avec les Naked Nurses, justement. Mm. Et voilà, il y avait. C'était super. Petit enregistrement au Zoom, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, ce sera super. Parce que c'est Model. Bien sûr. Tu te souviens du titre ? Nine Lives. Ok. Nine Lives. Je l'envoie. Et puis après on envoie la suite. On arrête de parler. Non, mais on désannoncera, on parlera dessus. Ah ouais, parce que j'ai envie d'annoncer. Pour dire au revoir. Et donc pour l'instant, ouais, c'est une exclue, hein, ce truc là. Ouais. C'est disponible nulle part. Ça vient, c'est sorti vraiment juste là pour l'annoncer à la radio. Sortez aux radiocassettes. Bientôt l'EP, mais pas pour tout de suite encore. Bon, vous repasserez pour en parler. Muddle Nine Lives. Donc là, c'est Turpitude qui se lance. Là, oui, c'est Turpitude, projet solo d'une meuf québécoise qui est trop bien. Allez écouter Turpitude, c'est trop cool. Elle a ressorti un album là récemment, plus black metal, et c'est trop bien. Voilà, Turpitude. Allez, merci GZL Vénère d'être venu vous présenter votre programmation future. On se retrouve pour Pyongyang City Rockers numéro 419 la semaine prochaine avec plein de monde encore. Et puis en attendant, on n'oublie pas. À cab. Merci. Salut. Merci. Salut.